Je suis né dans l'ombre d'un micro, mais maintenant je brille sous les projos. Chaque stream, chaque cri, chaque mot devient flamme quand je prends le contrôle. Ma cam fixe l'univers entier, le chat défile, rien peut m'arrêter. C'est ma guerre, c'est mon feu sacré, et c'est Zou qui m'aidait à la teaser. Leaders qui lancent ce soir, les écrans vibrent sous vos regards. C'est plus qu'un live. Rien quand je suis là.